Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Et aujourd'hui, on s'intéresse à une vérité proférée par Donald Trump. Oui, vous avez bien entendu, même Donald Trump peut réussir à dire quelque chose de vrai. Le président américain a qualifié l'avion militaire F-35 d'échec volant ou d'échec violent, comme vous voudrez. Bonjour Frédéric Lair. Vous êtes journaliste spécialiste des questions et des réponses aéronautiques. Alors ce F-35, il remplace le F-16. Et pourtant, si ces deux avions avaient à combattre ensemble, le F-16 battrait à plate couture le F-35. Expliquez-nous, Frédéric, comment on réussit un tel ratage? Oui, bonjour. C'est un avion très complexe et c'est cette complexité qui est son talon d'Achille aujourd'hui. On s'en aperçoit dans le développement. Mais c'est un avion aussi qui promet beaucoup. Alors Oui, ça fait longtemps qu'il promet beaucoup d'ailleurs. Il promet beaucoup depuis longtemps, oui. Mais on est dans une situation très très compliquée. C'est très difficile de démêler les chevaux des fils parce que Lockheed Martin, qui est le constructeur du F-35, vend du rêve, et puis c'est très difficile de savoir qu'est-ce qu'il y a véritablement derrière ce rêve, derrière les capacités d'un avion qui semble un peu miraculeux, mais dont il est compliqué de toucher du doigt les performances véritables. The battlefield is changing. New threats, new dangers. A new aircraft, the F-35 Lightning II, the world's only fifth generation multi-role fighter, virtually undetectable to an enemy that cannot hide. Alors, on va passer en revue rapidement les 8 innovations qui, in fine, font de cet avion, sinon un échec, du moins un mauvais avion. Alors tout d'abord, on a des gouvernes et des lois de pilotage imprécises, quand même un peu embêtant, un avion de chasse qui se pilote mal. C'est vrai que ça fait des ordres. C'est un avion du 21e siècle, donc au lieu de parler d'un avion, on va plutôt parler d'un énorme logiciel, plusieurs dizaines de millions de codes, de lignes de code, auxquelles on a greffé des ailes et un moteur. Hein. C'est un petit peu ça maintenant les avions aujourd'hui. Et puis, il faut faire vivre ces millions de lignes de code. Et chacun a un PC à la maison et comprend tout à fait ce que ça veut dire. Hein. Parfois un PC qui plante ou qui marche mal. Quoi. Donc voilà, on est dans le mystère de l'informatique, des 0 et des 1. Alors, on a, grâce à cet ordinateur, notamment un canon qui est facteur d'instabilité. Ce qui n'est pas génial, quand même, un canon qui tire pas droit. Oui, le F-35, l'atout principal du F-35, c'est sa furtivité. Qui dit furtivité, dit matériaux spéciaux, dit trappe pour cacher tout ce qui peut dépasser. Et donc, le canon est planqué derrière une trappe. Et puis, quand il faut tirer, la trappe s'ouvre en une fraction de seconde, le canon tire et puis la trappe se referme. Et les problèmes rencontrés par les ingénieurs tiennent à cette trappe qui induit des vibrations et décale un peu le tir, quoi, pendant le, voilà. Alors, je pense qu'à coût de quelques millions de dollars, ce problème sera résolu, mais c'est vrai que ça fait un petit peu brouillon, quoi. Surtout que ça va faire quelques millions de dollars encore. Ensuite, cet avion, il a une soute, notamment pour emporter des bombes. Mais alors, le problème, c'est qu'en fait, la soute est trop petite. C'est-à-dire que cet avion ne peut emporter que deux petites bombes. Oui, deux bombes plus des missiles. Il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Encore une fois, c'est la question de la furtivité. On met les choses en soute plutôt que de les emporter sous les ailes pour préserver la furtivité de l'avion. Ça reste quand même un avion tactique dans des dimensions assez contraintes. Donc forcément, la soute ne peut pas dépasser une certaine taille. C'est le verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide. On peut considérer que c'est déjà un énorme progrès pour affronter des défenses aériennes d'arriver totalement masquées, même si c'est qu'avec deux bombes. On peut considérer que c'est pas beaucoup effectivement d'emporter de bombes, qu'il faudrait mieux en mettre 8 ou 10 sous les ailes. Et puis alors on a un choix qui a été un choix extrêmement engageant sur le plan technique, puisque cet avion est un avion à atterrissage vertical, ce qui veut dire que donc on a une soufflante de grande dimension qui est dans le fuselage et qui du coup a posé de gros problèmes de conception pour ce F-35 aux ingénieurs de Lockheed Martin. Oui, alors là, je reviens une fois de plus à l'origine du programme. C'est important de connaître un peu d'où on vient pour savoir où on va. Le F-35 a été vendu par Lockheed Martin comme un avion capable de tout faire. Le Pentagone a acheté de deux mains et en se disant chic, pour le prix d'un avion, on aura trois armées qui seront équipées. Il y aura l'US Air Force, les Marines et puis la Navy. Le problème, c'est qu'effectivement, les contraintes pour les marines, c'était d'avoir un avion à décollage court et atterrissage vertical, ce qui n'était pas le cas des autres armées, hein. Mais tout le monde a dû s'adapter à ce besoin très très spécifique des marines, c'est ce qui a figé les dimensions globales de l'avion. Donc l'US Air Force se retrouve avec un avion très large, dans lequel il n'y a pas la soufflante, mais dans lequel il y a l'espace pour mettre la soufflante, pour la version des Marines. Et pareil pour l'US Navy, ce qui fait qu'in fine, cet avion traîne comme un boulet les caractéristiques d'atterrissage vertical qui ne servent qu'à une toute petite population, finalement. Et puis, enfin, on a un pilote, hein, parce qu'il y a quand même un pilote encore dans cet avion. Alors, ce pilote, il est doté d'un casque, avec une visée haute. On peut aussi avoir une voiture à visée haute. Mais alors, le problème, c'est que dans une voiture, on n'a pas de casque. Là, le casque est extrêmement encombrant et il gêne les mouvements de tête, ce qui peut éventuellement empêcher le pilote de combattre. Oui, les Américains ont essayé d'aller très très loin dans l'innovation. Ils sont peut-être allés un petit peu trop loin pour le coup. Cette vision, justement, la vision tête haute qu'on a dans les voitures, on la retrouve pas sur l'F-35. C'est ça l'innovation, c'est que pour la première fois, l'avion est dépourvu d'un affichage tête haute et tous les affichages se font sur la visière du casque. Bon, c'est une innovation qui va quand même peut-être un petit peu trop loin parce qu'on s'aperçoit que, pour le coup, la visière du casque est surchargée d'informations à tel point que le pilote perd parfois la vision du monde extérieur, ou du moins il est gêné dans sa vision du monde extérieur. Et puis c'est quand même un problème technique assez phénoménal, parce qu'il faut arriver à tout coordonner, à afficher ça sur une surface qui fait l'équivalent d'une pièce de 2 euros qui est placée devant l'œil et qui est collimatée à l'infini. Enfin, je vous laisse imaginer tous les problèmes techniques. On parlait tout à l'heure du canon, il faut afficher le viseur du canon sur le casque qui est lui-même très mobile autour de la tête du pilote. Enfin, donc bon, il y a de quoi s'arracher les cheveux vraiment, mais on peut pas s'arracher les cheveux puisque justement il y a le casque. Et oui, le F-35 permet de redonner espoir aux Français qui ont eu beaucoup de mal à vendre le Rafale. Et les pays auxquels le F-35 devrait être vendu, eh bien, se rebiffent un peu. On écoute une députée canadienne. Monsieur le Président, au lieu de faire un appel d'offres sérieux, la liste des problèmes liés au F-35 ne cesse de s'allonger. Les coûts du programme ont plus que doublé, les F-35 perdent leur combat simulé, les communications ne fonctionnent pas, et le pire, c'est que les pilotes sont même pas en sécurité. Monsieur le Président, le gouvernement a beau dire qu'il prend la sécurité de nos troupes à cœur, ce fiasco montre tout le contraire. Quand est-ce que le ministre de la Défense va finalement avouer qu'il a échoué? Quand va-t-il enfin revoir le programme des F-35? Alors cette députée, elle est très remontée et c'est une parole particulièrement intéressante parce que, en dehors de cette députée canadienne, aux États-Unis, personne n'a osé dire non à la fois aux ingénieurs de Lockheed Martin et au Pentagone, Frédéric Lair. Oui, alors il y a une discipline aux États-Unis qui s'appelle Political Engineering, c'est-à-dire on se débrouille pour lier un programme d'armement au pouvoir politique. Je m'explique, le F-35, par exemple, est découpé en petits morceaux. Il y a des charges de travail qui sont réparties à travers absolument tous les États aux États-Unis. Ce qui fait que quand on veut annuler quelque chose, eh bien, non, c'est impossible parce que chacun a sa part du gâteau et personne ne veut lâcher sa part du gâteau, quoi. Et dans le cas du programme du F-35, c'est tout à fait ce qui se passe. On est dans un programme qui est jugé trop gros pour rater, too big to fail. Voilà, donc on est engagé, les États-Unis ont mis le doigt dans l'engrenage, aujourd'hui ils ont le bras entier et l'épaule qui est dans l'engrenage et ils ne peuvent absolument pas faire machine arrière. Sauf que Donald Trump a dit qu'il n'achèterait pas n'importe quel avion à n'importe quel prix. Où en est-on aujourd'hui pour ce programme, Frédéric Lair? Alors, je crois savoir qu'il est revenu sur ce qu'il avait dit. Ça c'est comme d'habitude hein, pour lui, mais... Oui, mais en même temps, on dit qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc, lui n'est pas un imbécile. Je pense que c'est un prix Nobel à ce niveau-là. Mais où en est-on? On en est dans une situation où la locomotive est lancée avec ses 40 wagons derrière et puis le train est totalement impossible à arrêter. C'est un programme qui est jugé à 1500 milliards de dollars sur les 40 ans de vie de l'avion à peu près. Sur ces 1500 milliards à la louche, hein, je vous épargne les décimales. Mais on a 400 milliards qui sont consacrés à l'achat de 2400 avions. Et puis on a la partie immergée de l'iceberg, c'est 1100 milliards à peu près qui concerne la maintenance, l'entretien et la mise en œuvre des avions sur 40 ans. Ah oui, parce que là, vous êtes en train de nous expliquer que non seulement cet avion, aujourd'hui, il marche très mal, il est très coûteux, mais en plus, il va falloir dépenser beaucoup pour qu'il continue à mal marcher. Mais c'est ça qui est merveilleux. Vous parlez d'échec, je ne suis pas du tout d'accord. C'est une demi-réussite. C'est une réussite totale, de deux choses une, si vous voulez. Ou c'est un avion qui marche bien, comme le dit son constructeur, parce qu'après tout, il n'a pas été au combat encore, donc on ne connaît pas ses capacités réelles. On ne va pas jeter la pierre à Lockheed Martin, on va dire que ce sont des gens honnêtes et que donc cet avion marche très bien, donc c'est une réussite. Ou bien on prend le point de vue inverse et on considère que c'est un avion qui ne marche pas. Mais alors là, chapeau, parce qu'ils ont quand même vendu pour 1500 milliards de dollars un truc qui ne marche pas. Ils l'ont vendu à une douzaine de pays. Ils ont tué dans l'œuf la compétition européenne. Ils ont réussi à pomper des budgets de recherche et de développement européen au profit de cet avion qui est américain. C'est une réussite totale. Vous êtes en train de nous dire que ça n'est pas un échec pour tout le monde. Et par les temps qui courent, on préfère quand même ne pas voir si le F-35 fonctionne dans l'hypothèse où éventuellement Donald Trump pourrait avoir envie de faire la guerre. Ça serait un autre super fail, un gigantesque fail. Merci beaucoup Frédéric Lair. Superfell a été raté grâce à Anaïs Isebert, gâché à la technique par Adelino Mello et foiré à la réalisation par Alexandre Fougeron. Superfell.